À la loupe, chaque fait ses gestes, souhaitant qu'on se loupe, mais tous savent qu'on mec, ça chouffe, c'est ouais. Ça dissipe les doutes, un jour un beat des couilles, mec. Y'a que ça pour faire la route, loin des crics, des douilles, des choses, des bises, ou l'underground, mater la rime sans c'est le faire. Et on s'applique par estime pour la séculaire. Rap fanatique, tel est le style, acéré, durement asséné. Chaque swing fouette, nous rappelant que Mike c'est fait pour l'insérer. On persévère, tant pis pour leur serre sévère. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse sévir, c'est vertueux, faire que nos frères savent sévère. On veut ça clair, de toute façon, c'est le seul critère. Suivant ça, bon clair, sous trace, on s'enlise pas. Fondrière, la devise. Avancer, gonfler la mise, risque maximum prix. Toujours créer la surprise, conscience, l'arme ramarrée ouais. On garde l'esprit ouvert, scotché sur nos rails. Contre vents et marées, donc réalise ce que t'as devant toi, rien ne le divise. Solid bloc, courage et perfectionnisme. Rivalise, pique ta crise si tu veux. Mais le mieux c'est que tu fasses place. Le hip-hop lâche à nouveau, c'est l'âme les plus fines. Mec d'habitude, j'ai le verbe strict. Pas le genre à faire de fioritures, tout l'irrésiste. Ouais mais là, j'fais une pause hein. Et tu sais qu'il en faut un petit dose, ouais. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise. Rap constat, j'oublie pas le contrat. Je sens que sur ce coup-là, faut que je marche une pause. Ouais, ouais, et Dieu sait qu'il en faut un petit dose, hein. J'aime injecter du sens dans mes vers, distance dans mes verbes. Insuffler la trance dans les chairs et du nerf dans mes termes. Et là relâche les maxillaires, distille l'art de l'arsenal qui se cache sous la masse capillaire. Souvent lapidaire, mon baromètre de base c'est l'épiderme. Là où se rap germe, sterne des lyrics fermes. Des ex-rois irants, nains, viris traînent. Un peu de tenue merde, c'est quoi ce bazar? Le bazar des passages hasard. Leur bazar c'est la suite, le style, le hasard. Il est à 100 passages, voici un MC en balza. Ayam pour Mars, Gaza, Palerme, Tipaza. Dakar et Braza, pas de grand latitude, du salon du plaza. J'rappe comme je parle, et parle comme je rappe à l'instinct. Style crew, let's dance, actif, réseau de rap clandestin, bien restreint. Les bons soldats sont rares de nos jours, dont peu de lyrics débiles baladent dans l'air de nos joues. C'est vrai que d'habitude j'ai le verbe strict. Pas genre à faire de fioritures, tout lyriciste. Ouais mais là j'fais une pause hein. Et tu sais qu'il en faut un petit dose, ouais. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise. Rap constat, j'oublie pas le contrat. Je sens que sur ce coup-là, faut que je marque une pause. Ouais ouais, et Dieu sait qu'il en faut un petit dose hein. Ramasser où tes games va, où se trouve la poisse, la berre. Pourtant je distingue par mes plumes la brève. Tout passe par le rêve quand je constate. J'entends qu'une prostate avec mes faces plus. Et v'là le grill faux, en plein job. On se ramène avec mes potes pour ces putains de top. On reste dans le jeu, mec, et choque les envieux. Mon vœu, c'est jeu pop qu'on cause, on connaît l'enjeu. Après ce qui sort, qui score, on le crie fort. Au monitor, qui score, sous le pote, nos mots au bord. Le but, faire bouger le corps, encore et encore. L'accord, c'est tenir le mic à la vie, à la mort. Normal qu'on se bouge donc, on est la putain de souche. Les putains de MC qui jamais se couchent. À ton avis, pourquoi on est là, papa? Pour l'amour de notre sang et qu'il suivra, le vivra. Qui traque notre tic, c'est du bras. Qui secoue le cerveau en même temps, la chance qui nous motiva. Et avec un mic dans le temps sous mes scellés. Et en ce moment très précieux, on demande d'exceller. C'est vrai que d'habitude j'ai le verbe strict. Pas genre à faire de fioriture, plus lyriciste. Ouais mais là j'fais une pause hein. Et tu sais qu'il en faut un petit dose, ouais. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise. Rap constat, j'oublie pas le contrat. Je sens que sur ce coup-là, faut que j'marque une pause. Ouais, ouais, et Dieu sait qu'il en faut un petit dose, hein. D'habitude j'ai le verbe strict. Pas genre à faire de fioritures, tout l'irriciste. Ouais mais là j'fais une pause hein. Et tu sais qu'il en faut un petit dose, ouais. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise. Rap constat, j'oublie pas le contrat. Je sens que sur ce coup-là, faut que j'marque une pause. Ouais ouais, et Dieu sait qu'il en faut un petit dose hein.